Jamais envisagé de vivre la vie aisée. Étrange la vie qui se dessine baisée. Vous savez, le bifo de la vie, le rêve. La musique, quelques devises et tu peux sombrer. Jamais envisagé de vivre la vie aisée. Étrange la vie qui se dessine baisée. Vous savez, le bifo de la vie, le rêve. La musique, quelques devises et tu peux sombrer. J'insiste, c'est soit t'es docile, tu sois les potiches. Assis-toi, soit on foque le transit. Tel faux type de phobie. Ta vie, un tas de dossiers. Tel fossile dans les rosiers du parté. Les grossiers du dosier, donc nos fantaisies. Fabius, essuie un procès. Regarde les MST. Regarde le con qui veut te tester. Apaisé dans le plaisir, OST. Saisis les rêves blêmes des gens à problème. Offshore, des corps molestés. Dans leur champ, des mômes délaissés. Se tuer peut rendre tendre. Ce monde gros, il est étrange. Jamais envisagé de vivre la vie aisée. Étrange la vie qui se dessine baisée. Vous savez, le bifo de la vie, le rêve. La musique, quelques j'avais envisagé de vivre la vie aisée. Étrange la vie qui se dessine baisée. Vous savez, le bifo de la vie, le rêve. La musique, quelques devises et tu peux sombrer. Ici, c'est l'enfer comme à Kippour. Comment dire au kid, c'est doux. J't'épargne les discours d'école. Y'a tant à faire en démol dans ta ferme. Ta boisson, l'adoration locale et légale. On adopte l'addition, telle une soumission. Le peuple noir à l'abandon. Est-ce une raison pour baisser le ton? Levez la tête frère, purgez vos peines mères. Entre une pelle, une pioche. Nous sommes les mioches de la génération. Héroïne, génocide, nos mères, nos héroïnes, on les terrorise. Campagne sordide, image assortie, Sarkozy est sorti, le cœur cher comme optique. J'avais envisagé de vivre ma vie ici.